Comme j'ai dit, c'était Yann qui devait apporter le message. On va terminer le sermon sur la montagne aujourd'hui. Puis je pense à partir de la semaine prochaine, je crois que c'est François Pinard qui vient la semaine prochaine, qui débute, ou c'est Glenn? Non, c'est pas Glenn, je sais plus. En tout cas, on débute une série sur le Notre Père. OK? Si vous étiez cinéaste, et que vous vouliez faire un film d'action à succès. Parle pas nécessairement d'un bon film, OK? Mais un film avec un gros hit au box-office, OK? Quels sont les ingrédients nécessaires que ça prendrait? Du sang. Du sang. De la violence. De la violence. Des effets spéciaux. OK, des effets spéciaux. De la romance. La romance. Oui, parce qu'il faut attirer les filles aussi. Oui. Les explosions. Ben, si tu dis parce que c'est romance, moi, dans ma tête, c'est comme si tu veux attirer les hommes avec le sexe, mais je ne voulais pas que ça me... Oui, il y a ça, oui. Ouais, mais ça commence par la romance avant d'aller jusque-là. Ah, les vampires et les loups-garous, ouais, ça marche pas mal de ce temps-ci. L'action. L'action. OK, de la science-fiction. C'est ça, OK. Aussi. Oui, aussi, quelqu'un qui a un nom, hein, qui a fait quelques bons films et puis qui est arrivé à... je vais décortiquer avec vous, vite, fait comme ça, comment, t'as dit? Un gros budget. Un gros budget aussi, oui, ça pourrait aussi. Oui, avec l'argent, ça l'aide. Donc, je vais décortiquer avec vous deux films. En fin de compte, on va faire quatre exemple de films et d'histoires de vie. Okay? Ce sont des films à tendeur historique que je décortiquais, puis vous allez voir où je vais en venir par la suite. Okay? Même si là, vous n'avez peut-être pas d'idée où je vais, inquiétez-vous pas, ça va venir. Okay? Prenons Le Patriote. Qui a déjà vu Le Patriote? Donc, Le Patriote est classé dans les classiques. C'est un des films... classique, c'est forcément un film terriblement violent. Il y a du sang, il y a un gros nom, il y a un gros budget. C'est un film à teneur historique. Il décrit, si je ne me trompe pas, là, moi puis l'histoire n'est pas très bon, mais la guerre de sécession, hein, la séparation entre l'Angleterre et les Américains. Le sud et le nord. Hein? Patriote, c'est la sécession. C'est l'indépendance des États-Unis. C'est ça. Oui, oui. Oui, oui. Là, on a une Américaine là, avec Mel Gibson, oui. Et plusieurs enfants. C'était la guerre civile entre le Nord et l'Amérique. Parce que ça finit sur le terrain, les Français viennent et ils battent les Anglais. Donc, mais peu importe. C'est la guerre révolutionnaire. L'histoire est simple, hein? C'est il y a une guerre qui est là, puis là, il y a un gars qui est là, qui a déjà fait la guerre avant, une autre guerre, puis il est reconnu pour ses exploits de guerrier, c'est un héros de guerre et tout ça. Mais là, il ne veut pas participer à la guerre, puis il y a des jeunes enfants, il y a sa ferme et tout ça, puis il ne veut pas y aller à la guerre. Mais là, il y a des soldats qui arrivent chez lui, et puis, qu'est-ce qui arrive? Son plus jeune fils est tué. Hein? Et là, ben, lui, il pogne les nerfs, il devient rouge de colère. Et tout ce qu'il pense, c'est à se venger. Il va chercher ses instruments, son tomahawk, c'était son instrument de prédilection. Et puis, il démarre une guérilla. En réalité, il devient un mercenaire pour, je ne sais plus, le nord ou le sud, là, un des deux, ceux qui ont gagné. Et puis, il bat l'ennemi. Hein, t'sais, puis c'est un crackpot. Hein, il voit rouge. Okay? Donc, ça, c'est... grosso modo, là, le synopsis. Vous verrez le film, ça dure 3 heures. C'est assez intéressant quand même. Mais, effectivement, à vie au cœur sensible, c'est assez violent. Deuxième film, toujours du même acteur, Mel Gibson. Ça se passe... C'est ça? Braveheart. OK? C'est la même histoire. Exactement la même chose. OK? Là, c'est les Irlandais... qui veulent se séparer, non, les Écossais qui veulent envoyer les Anglais chez eux, OK? Et puis lui, il a vu son père massacré lors d'une réunion politique, et puis son oncle l'a pris, est parti en voyage, puis lorsqu'il revient, tombe amoureux d'une jeune fille, il se marie secrètement, c'est découvert, il ne devait pas faire ça, il tue la fille devant ses yeux, puis là, lui, il voit rouge, et puis il devient le général des armées, puis il sacre les Anglais dehors, OK? Par vengeance, toujours, c'est le moteur de tout ça. Mais c'est exactement la même histoire, hein? C'est... Tu regardes Patriot puis Braveheart, regardez-les le même soir ou deux soirs après la fin, c'est quand même long. Vous allez voir, c'est la même affaire. C'est exactement la même histoire. Ça commence de la même manière, ça finit de la même manière. C'était intéressant. Et puis, c'est le même acteur. Peu importe. Changeons un peu de registre. Gandhi. Gandhi, quand il était jeune adulte, il a quitté l'Inde et puis il a fait quelques voyages. Et dans un de ses voyages, il est tombé sur un livre de Tolstoï. Et puis, il a lu le Sermon sur la montagne de Tolstoï. Et ça l'a énormément touché. Ça l'a transformé. Il a lu la manière dont Tolstoï parlait de la résistance passive et le fait de ne pas... ne pas se venger ou chercher vengeance et de la non-violence et tout ça. Et ça l'a transformé. Et lorsqu'il est rentré en Inde, on connaît l'histoire, hein, il est devenu un pacifiste, quelqu'un qui faisait de la résistance passive et qui encourageait son peuple à faire de même. Et il avait même dit, « Si les Japonais viennent qu'à envahir l'Inde, je résisterai passivement et je le ferai. » Il n'a jamais eu besoin de prouver qu'il allait le faire. Hein. Les Japonais n'ont jamais envahi, puis il est mort avant, de toute manière. Mais il nous a démontré par la passivité comment, de manière passive et non violente, il pouvait quand même transformer. Un qui a été influencé énormément par la vie de Gandhi, c'est Martin Luther King. Donc, Martin Luther King est... de notre temps contemporain, celui qui, par sa vie, a démontré ce qu'était la résistance passive, la non-violence. La résistance et l'amour extrême dans la non-violence. Donc, je vous ai donné des paradoxes, OK? Martin Luther King a fait une prédication un jour en Géorgie, dans une bourgade black de Géorgie. Et le titre de son message, c'était « Aimez vos ennemis ». Et Dieu sait qu'au moment où il faisait cette prédication-là, le peuple noir américain en avait des ennemis. Et c'était leur contemporain blanc. Donc, et Martin Luther King a vécu des choses assez atroces et il a fait ce message. Lisons notre texte. Ça va vous donner une idée où je m'en vais. Matthieu 5, les versets 38 à 48. Vous avez appris... Je lis dans la version Louis II. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi N'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, hein, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il y a deux textes. Hein, on aurait pu faire deux prédications sur ce texte-là. Hein, la première commence par « Vous avez appris qu'il a été dit », puis la deuxième commence par « Vous avez appris qu'il a été dit ». Vous avez appris qu'il a été dit. On va essayer de regarder qu'est-ce que les Juifs entendaient, comprenaient. Comment Jésus l'a réinterprété pour eux? Et qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi deutéronomique. Hein? C'est pas écrit œil pour œil, dent pour dent, nécessairement. C'est écrit, si on te vole un bœuf, on devra te rembourser un bœuf. Si on te fait du tort, puis que tu perds un bras, on devra couper un bras. Et ainsi de suite. Au temps de Jésus, cette loi-là avait été un petit peu modifiée dans le sens où on demandait une rétribution monétaire à la place de couper un bras. on se comprend. Mais l'objectif de la loi était d'être juste autant pour l'offensé que l'offenseur. Il n'y avait pas de... On voulait une justice égale pour tout le monde. Donc, on voulait que celui qui était offensé ait rétribution, remboursement de ce qui lui avait été enlevé. On voulait s'assurer que celui qui avait fait l'offense ne soit pas taxé plus que ce qu'il avait enlevé. OK? Donc, c'était le but de cette loi. On était au début de la création d'un peuple. Et Moïse a donné cette loi-là au peuple juif. Le problème, c'est que Jésus, lui, il vient virer ça. La chose qui est compliquée dans le texte-là, et puis... hier, en préparant, j'ai lu quelques commentaires, et puis les commentateurs passent des pages et des pages à discuter sur c'est quoi le mal. Okay? Parce que le mot exact qui est utilisé en grec, c'est résister au mal. Okay? Donc, résister au mal, ça va à l'inverse et en contradiction à d'autres textes, autant de Jésus que des apôtres, qui dit, là, ça dit ne résistez pas, là, pas résister, mais résistez pas au mal. Okay? Alors que résister au malin, il fuira loin de vous. On a des textes en Romains, on a d'autres textes de Jésus qui dit de résister au malin. Et puis là, il dit de ne pas le faire. Fait que là, les commentateurs s'en donnent à cœur joie, puis il y en a pour des pages. J'en ai lu pendant quelques heures hier. Fait que je vais essayer de vous résumer ça. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que le mot qui est utilisé « mal » ne signifie pas, n'a pas le même poids que « malin » ou « le Satan » ou « l'ennemi ». Donc, c'est pas dans le sens du diable, si on pourrait dire, là, ou « l'ennemi », mais plutôt dans le sens de « celui qui vous veut du mal ». Donc, le mot singulier qui est là, c'est « ne résistez pas à celui qui vous veut du mal ou qui veut vous faire mal. » Donc, ça résume là, deux heures de lecture que j'ai faite hier, grosso modo. Donc, je vous passe là, toutes les... Il y a toutes sortes de choses, mais ce qui est important de savoir, et puis si vous lisez dans la Semeur, c'est comme ça que c'est traduit. La Semeur est un texte un peu plus, qui est moins littéral, là. Ils font plus d'interprétations quand ils traduisent. Et puis, dans la Semeur, il est écrit « Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Okay? » Et puis, c'est une bonne façon là, de comprendre ce qui est écrit là, même si ce n'est pas le mot exact là, en grec qui est là. Donc, « Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. » Ce n'est pas simple. Hein? Même si c'est facile à dire, là, si quelqu'un est rentré ici ce matin, c'est arrivé l'année dernière à deux reprises dans deux églises catholiques dans le quartier. Il y en a une église sur le près du métro Pie-9, je ne sais plus du nom. Saint-Jean-Baptiste, la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Il y a un gars qui est rentré armé, hein, que pendant la réunion du dimanche matin, il est rentré armé et a hold-upé tout le monde. Là. OK? Correct? C'est pas simple, là. Tu sais, c'est le prêtre, pas facile, là. Moi, je sais pas comment je. C'est arrivé à Très-Saint-Rédempteur la semaine avant Noël, là, à la paroisse. Pas pendant la réunion, mais à la paroisse au bureau. Donc, le gars, il a cogné à la porte, et puis la secrétaire a ouvert la porte, il a mis un gun sur la temple, et puis il les a hold-up. Puis il est parti avec la caisse. Donc, le gars a fait plus d'argent ce soir-là qu'il aurait fait en hold-upant les dépanneurs du quartier. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Guy. J'ai dit, par la grâce de Dieu, tu as empêché ce gars-là de faire d'autres hold-up avec l'argent que tu avais dans ta caisse. Parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Il y avait plus de 1 000 $. Donc, c'est quand même une grosse paye pour un voleur de quartier là, dans Schlagomaison. C'est triste, là. Mais résistez. Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Ben, c'est sûr que quand il y a un 45, que ce soit un jouet ou pas, toi, tu ne le sais pas, hein, la chance que tu résistes pas est assez grande. Il y a un instinct de survie qui s'installe et puis... tu fais ce qu'on te demande, tu sais. Mais comment est-ce que tu résistes pas à celui qui te frappe ou celui qui te calomnie inutilement? Comment est-ce que tu ne résistes pas à celui qui te poursuit, qui utilise la loi contre toi d'une manière mensongère? Parce que c'est ça, là. Hein? C'est ça que Jésus dit. Si on te poursuit pour avoir ta chemise, donne aussi ta tunique. Va pas en cours. Si tu veux ma chemise, prends l'habit au complet. T'sais? Comment est-ce qu'on ne résiste pas à ça? C'est pas simple. Comment est-ce qu'on ne résiste pas? Le texte, on utilise souvent le texte, si on te demande de faire 1 000, fais un 2e 1 000. Mais là, c'est si on t'impose de faire 1 000. Ce n'est pas une demande, là, OK? C'est un terme militaire qui est utilisé ici, OK? Pour dire, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses 1 000. Et Jésus dit, fais 2. Si on t'impose un travail forcé d'une journée, offre-en 2. Ouais, c'est sûr, facile. Ouais. Si on veut t'emprunter, cours pas dans l'autre sens. Non, ça ne dit pas qu'il faut que tu prêtes. Ça dit, est la conversation. Non, mais ne t'enfuis pas. Ne te cache pas. Donc, Jésus nous donne une façon. Hein? Lorsqu'il est arrivé les attentats du 11 septembre, on était en France. On n'avait pas de télé. Fait que le soir aux nouvelles, tu sais, ils parlaient juste de ça. Et puis quand on est rentré le soir, ma voisine gentiment nous a invité toute la famille à aller voir chez elle, tu sais, le reportage et puis ce qui allait se passer. Et puis on était tous là avec les enfants et tout, puis on regardait qu'est-ce qui se passait là, tu sais. Puis j'étais totalement démonté. Mais je me suis posé la question. Qu'est-ce qui va arriver? Comment est-ce que George Bush va répondre? Et s'il répondait par la non-violence? Parce qu'il se disait chrétien. Moi, j'ai dit, c'est un objectif possible, tu sais. Hein? Il aurait pu. Hein? Oui, c'est ça. Donc, il est né avec des guns dans ses poches, là, dans sa couchette. Fait que c'est compliqué. Mais au-delà de ça, je me suis posé la question... Si George Bush avait répondu par « Je vais protéger mon pays pour empêcher d'autres attaques, mais je ne vais pas attaquer ou contre-attaquer. » C'est sûr qu'on pourrait spéculer sur comment le monde serait, blablabla, ainsi de suite, et puis peut-être que lui serait déjà mort avec... et tout ça, il n'aurait sûrement pas été réélu une deuxième fois, et bon, ainsi de suite. OK? Le monde serait différent qu'il est aujourd'hui. Parce qu'un événement comme ça. Mais un grand homme serait né à ce moment-là. Même si les contemporains l'auraient bafoué, l'histoire aurait parlé de lui et l'aurait gardé. Alors que là, l'histoire va le garder pour d'autres raisons. George Bush a répondu par « Ma liberté est tellement importante que je vais te tuer pour la garder. » Donc, je vais t'enlever ta liberté pour garder la mienne. La vengeance. Hein? C'est ça qui est au cœur. Ben, à quoi ça sert, la colère? La colère est un sentiment humain nécessaire et doit être exprimé. Il ne faut pas la refouler. Il y a des manières de l'exprimer. Et la colère transformée en amour devient quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est ce que Jésus essaie de nous montrer dans le deuxième « Vous avez entendu ». Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Et ça, notre ami George Bush l'a bien compris. Il aime beaucoup les Américains et il déteste les talibans. L'ennemi de qui? Si on est un juif, à ce moment-là, aujourd'hui, on a tel père, tel fils. Dans ce temps-là, c'était tel peuple, tel Dieu, tel peuple. Hein? Donc, le peuple de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu étaient les ennemis de Dieu, et les ennemis de Dieu étaient les ennemis du peuple. Donc, si tu es ennemi du Dieu des Juifs, tu es mon ennemi. OK? Donc, tu es l'ennemi de Dieu. Et donc, je t'aime, t'es ma sœur, t'es mon frère, on est tous des chrétiens, on s'aime, mais si tu deviens ennemi de Dieu, tu deviens mon ennemi. Et il est écrit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et c'est comme ça que les Juifs le concevaient. Aimer ne pas aimer l'ennemi, vouloir le détruire, l'asservir. Aimer son ennemi. C'est le message central du roman Le Chac. Puis, juste pour vous dire, le vendredi, on a recommencé des discussions sur Le Chac vendredi dernier. Donc, vous êtes tous invités si vous voulez reprendre ces discussions-là sur Le Chac. C'est chez moi le vendredi. Si on appliquait ça à Dieu, hein, parce que là, qu'est-ce qui est écrit? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le texte littéralement veut dire, il bénit les bons comme les méchants. Parce que le soleil et la pluie pour un juif, c'est la bénédiction. C'est ce qui vient de Dieu, c'est, et que tu sois bon ou méchant, il mouille. Hein? C'est pas il pleut sur moi, puis toi tu sèches à côté. C'est méchant, tu sèches. T'sais, ou moi j'ai besoin de soleil, ça me fait du bien, puis toi, t'es. Non. T'sais, ça ne marche pas. Okay? Et le soleil est plus fort là qu'ici. T'sais. Donc, non, le soleil se lève sur chacun. Et la bénédiction vient de chacun. Donc, si Dieu m'avait pas aimé moi qui étais son ennemi, je ne serais pas ici ce matin. Quand j'étais au cégep, j'avais un ami croyant qui allait à l'église, qui est devenu le parrain de ma fille. Mais au cégep, on faisait des travaux d'équipe. Puis lui, le dimanche matin, il n'était pas avec nous autres parce qu'il allait à l'église. Puis moi, je riais de lui. Mais je riais de lui. Il n'y a rien que je n'ai pas dit. Puis on s'est rappelé ça l'été dernier, quand on s'est retrouvés après 18 ans. Hein. Ça faisait à peu près ça, 18 ans qu'on ne s'était pas vus. On s'est retrouvés l'été dernier, juste avant que Bérangère parte. Et puis, on se rappelait ça. T'sais. Puis, il était là quand j'ai fait cette rencontre avec Dieu extraordinaire. Il était à l'université avec moi. Puis, il ne comprenait pas là, qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Hein, parce que je suis passé de quelqu'un qui le calomniait, qui le traitait de toutes sortes de noms qui ne se racontent pas ici. Et du jour au lendemain, tu sais, j'ai tourné ma chemise de bord et puis je lui parlais de Jésus, puis de Dieu, puis de l'Église, puis là, il comprenait rien, là, tu sais, là, de quoi tu parles, là, tu sais, là, hier, tu riais de moi, puis, tu sais. Donc, si Dieu ne m'avait pas aimé alors que j'étais son ennemi, je ne serais pas ici. Si Dieu ne nous avait pas aimé alors que nous étions ses ennemis, on ne serait pas là. Alors, Dieu pratique déjà ça, lui. Il aime ses ennemis. Il les aime assez pour faire pleuvoir et lever le soleil sur eux comme sur nous. Donc, lorsqu'on applique ça à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On devient comme des enfants de Dieu. C'est ça qu'il dit. Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de récompense. Ça, c'est simple, on comprend ça. Il n'y a pas besoin, puis les commentateurs, ils ne passent pas des heures à discuter de ça. T'sais. Parce que c'est textuel, tu n'as pas besoin de te poser de questions. Qu'est-ce que ça dit? C'est aussi simple, c'est du B.A.B.A. T'sais. C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. T'sais. Puis un enfant de 5 ans est à peu près capable de comprendre ça. Maintenant, d'aimer ceux qui ne m'aiment pas, par contre, ça, c'est autre chose. Ceux qui me font du mal. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est d'aimer ceux qui devraient m'aimer et qui me font du mal. Comment est-ce que je peux continuer à aimer ma mère qui m'a battu, mon père qui m'a abandonné, mes amis qui ont abusé de moi, les gens qui autour de moi étaient en autorité et qui ont abusé de moi? Comment est-ce que je fais pour les aimer? Pas simple. Hein? Mais Dieu y arrive, lui. Puis on devrait, en le prenant comme exemple, se poser la question, comment il y arrive? Et le comment, c'est Dieu est amour. Dieu aime. Il ne trame pas le mal. Il n'y a aucun mal en Dieu. Hein? La Bible dit, ne dites pas que Dieu vous tente, car il ne tente personne, il ne trame pas le mal. Donc, Dieu ne t'a pas envoyé le diable. Si jamais quelqu'un dit une chose comme ça, envoie-moi-les, on va avoir une discussion. OK? Il n'y a rien en Dieu qui désire le mal et qui va faire du mal, parce qu'il est amour. Maintenant, qu'est-ce que Jésus est en train de faire lorsqu'il dit « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » Ça, je ne l'ai pas lu dans les commentaires. Je l'ai eu en discutant avec Glenn. Mais pas cette semaine. Glenn était à Cuba, là, il est en Haïti. Il revient à la fin de la semaine. Mais il y a quelque chose de très fondamental qui est très important là et qu'on doit retenir. Parce que ça découle après ça toute la position que Christ a en tant dans l'Église. Vous avez appris qu'il a été dit, c'est ce que Dieu a dit à Moïse, que Moïse a transmis au peuple, puis que par la suite, les enseignants ont donné au peuple, et ainsi de suite. Okay? Donc, c'est la loi. Cette loi-là a été transmise au prophète par excellence, celui qui a sorti le peuple d'Égypte. Le peuple juif, leur père, c'est Abraham, mais le prophète, celui dont ils écoutent la voix, c'est Moïse. Puis là, Jésus vient dire, « Mais moi, je vous dis. » Donc là, il vient se mettre où? au-dessus. Il vient dire, comment je pourrais dire ça? Prenons un exemple. J'ai un enfant de 4 ans dans la maison, 3 ans dans la maison. Je lui dis, tu ne peux pas ouvrir les portes d'armoire. Puis pour m'assurer qu'ils n'ouvrent pas, je les barre. Tu sais, on a des locks là, pour les enfants. Hein? Okay? J'explique pas à l'enfant pourquoi il ne peut pas jouer dans l'armoire, puis c'est quoi qui est là, puis ainsi de suite. T'sais, ça ne sert à rien de passer du temps à lui expliquer ça. Je fais juste lui donner une règle. Tu n'ouvres pas la porte. C'est tout. Puis je m'assure qu'il respecte cette règle-là. Puis, plus tard, les règles sont expliquées. Bon, la règle de la porte, on s'entend qu'on ne l'explique pas, mais il y a d'autres règles qu'on n'a pas le choix d'expliquer. La question favorite d'un enfant qui est en mesure de discuter, c'est « pourquoi? » Hein? Pourquoi? Hein? C'est, Thierry m'a posé « pourquoi » toute la matinée. Et je n'ai pas résisté. Je n'ai pas réussi à résister. On s'est réconcilié et arrivé ici à l'église. J'ai dû lui demander pardon. Non, c'était pas le mal. Mais lui, il a dû résister parce que moi, c'était sûr que j'y voulais du mal. Mais pas dans ce sens-là. On s'est réconcilié et rendu ici ce matin. T'sais. Mais pourquoi? Puis des fois, tu as envie de répondre parce que. Écœure-moi pas, va-t'en. Regarde, arrête. Mais parce que c'est une réponse que moi, je n'accepte pas. T'sais. Donc, je ne peux pas donner cette réponse-là. T'sais. Donc, il faut que j'explique. Mais souvent, l'explication à un adolescent, il ne l'aime pas, t'sais, c'est pas. Le pourquoi ne signifie pas vraiment qu'il veut savoir pourquoi. C'est juste un « je ne suis pas d'accord ». Donc, Jésus, là, il nous donne le pourquoi. Jésus, Moïse nous a donné la règle. Faites ça et c'est tout. Mais c'est normal, on a un peuple en création. Il vient de sortir d'Égypte, il est en mode de création, il doit s'organiser, se placer, se créer. Et il faut, mais c'est un jeune peuple. Donc, même si on posait la question du pourquoi, il n'aurait pas eu la capacité de le comprendre. Quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, centaines d'années plus tard, Jésus explique le pourquoi. Et le pourquoi, oh, mon truc s'est éteint. Ça veut dire que j'ai détourné un petit peu de mon texte. Quand ça s'éteint, ça fait. Le pourquoi, c'est l'amour. Quand je suis devenu chrétien, la chose la plus difficile que j'avais à faire, c'était de lire l'Ancien Testament. Je trouvais ça dur. Je trouvais ça violent, dur et qui manquait d'amour. Jusqu'à ce qu'un prof d'Ancien Testament, forcément, à l'université, m'apprenne à lire l'Ancien Testament avec des lunettes écrites « amour » dedans. À voir comment Dieu aime d'une manière extraordinaire et que l'Ancien Testament est rempli de marques d'amour. Et Jésus, c'est ce qu'il est venu faire. Le sermon sur la montagne débute en disant « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Donc, c'est au verset 17 de Matthieu 5. « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Donc, Jésus n'est pas venu dire « Je suis plus grand que Moïse » aux Juifs, il venait expliquer la loi, même s'il est plus grand, parce que moi, je vous dis, viens le placer à un endroit qui dit, moi, j'ai donné les règles à Moïse, là, maintenant, je vais vous les expliquer. OK?